Virage à la dégoûté, mon poteau est marabouté. J'ai des frères qui ont du sang sur les mains. Ils me disent cette année, fais-les tous douquer. J'ai une voix qui pèse à tous. Moi aussi, j'ai une grande famille. Mon tchatcha qui se met des pouces. Celle-là, elle fout de plus d'amis. J'suis seul au réseau. Garde mon rêve, mon poteau. Si tu t'attrapes au réseau, t'es rentré dans moi le yo-yo. J'étais mort au matin, la focale ma tête. Et hier matin, le jaune de la matinée. C'est pas parce que je suis rappeur que je peux pas tirer. J'ai goûté la galère et je veux m'en tirer. Ce soir, je tout ne t'es veut coller, j'comme du déca couler, j'vais faire ses cas couler. Aujourd'hui ça va, va, va pas, j'ai vécu seul sans son papa. Je refuse de pitié, ça parle pas, on s'aime bien mais on s'entend. On vit comme pas le réseau, on passe au frère avant de dépôt. Elle veut quitter le vélo, mais j'peux pas quitter le réseau. J'suis parti seul à l'aveuglette, j'vous roulais en fait et passer les palettes. A deux doigts d'ouvrir un réseau, que des gammes de la force, fais seul ma galère. Je respecte sur le bandeur pour toi et percer. Ici t'es qu'un percé sans sucer. Compte percer pour te transpercer. T'as qu'une parole mais tu l'as pas fait. Prends dans la légende comme Alejandré. Prends la bus, fait flamand, les quatre corruptés. Raffole Gambino, électro-quitté. Demande à Archa qui rose la casquée. Ce soir t'es ma cendrillon. Le pétou dans le cendrier. Les petits pour moi c'est des papillons. Prémets les stanis, j'vais tous les choquer. Aujourd'hui ça va, va, va pas. J'ai vécu seul sans son papa. Je refuse pitié, ça parle pas. On s'est bien mais on s'entend pas. Aujourd'hui ça va, va, va pas. J'ai vécu seul sans son papa. Je refuse pitié, ça parle pas. On s'est bien mais on s'entend pas. C'est l'été cher le Yankee Bendo. Gambino c'est magique et ouais cogno. C'est nous les hommes et les copos. T'es la 100%. Tu voyais prendre le monde de les assassins. Qu'est-ce que c'est bizarre, jaloux, arrogant. J'ai des frères en cellule qui dansent sur mes sons. On se fait seul, contre tous. Mon poste ça va péter, baisser tous. Ramène tout au quartier, seul contre tous. Des bombes au planqué, baisser tous. On se fait seul, contre tous. Mon poste ça va péter, baisser tous. Ramène tout au quartier, seul contre tous. Des bombes au planqué, baisser tous.